Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 61. Des vertus cardinales. Que les vertus cardinales sont des vertus morales. On en compte 4, la prudence, la justice, la tempérance et la force. 1. Les vertus cardinales ou principales sont-elles des vertus morales? Les vertus morales impliquent la droiture de la volonté, et l'emportent ainsi sur les vertus intellectuelles qui donnent seulement la faculté de bien agir sans produire les actions moralement bonnes. Il convient, pour cette raison, de prendre les vertus principales ou cardinales dans les vertus morales. Note. Les vertus théologales sont des vertus surhumaines ou divines, nous n'en parlons pas ici. Fin de la note. 2. Y a-t-il 4 vertus cardinales? Il y a, dit Saint Grégoire, 4 vertus cardinales, sur lesquelles s'élève tout l'édifice des bonnes œuvres. Ce sont, la prudence, la justice, la tempérance et la force. La prudence perfectionne la raison, la justice, la volonté, la tempérance, la faculté concupiscible, et la force, l'irascible. À ces 4 vertus morales se ramènent toutes les autres. 3. N'y a-t-il point d'autres vertus qui soient principales plutôt que celles-là ? On doit appeler principales ou cardinales les vertus auxquelles toutes les autres sont subordonnées. Or, toute vertu qui fait le bien, en prenant pour règle la droite raison, appartient à la prudence. Toute vertu qui, dans les opérations, rend ce qui est dû et fait ce qui est équitable, est comprise sous la justice. Toute vertu qui comprime les passions revient à la tempérance. Toute vertu qui soutient et fortifie l'esprit contre les passions relève de la force. Voilà comment les philosophes et les saints pères ont envisagé nos 4 vertus. Voulez-vous les considérer ensuite relativement aux matières qu'elles embrassent? Sous ce rapport encore elles sont principales, parce qu'elles touchent à tout ce qu'il y a de plus important dans la vie humaine. Quelle autre vertu l'emporte en étendue sur la prudence, qui commande, sur la justice, qui règle nos actes à l'égard de nos égaux, sur la tempérance, qui réprime les voluptés sensuelles, sur la force enfin, qui nous affermit contre les périls de mort. Si d'autres leur sont supérieures à quelques égards, elles ont, du moins, une primauté spéciale du côté objectif. 4. Les vertus cardinales sont-elles distinctes les unes des autres? Plusieurs ne voient dans les vertus cardinales que des qualités communes à toutes les vertus, car, disent-ils, toutes les vertus possèdent, dans une certaine mesure, la prudence, la tempérance, la justice et la force. D'autres regardent avec plus de raison ces 4 vertus comme véritablement distinctes par leur matière. En effet, chacune d'elles n'a-t-elle pas un domaine où elle déploie principalement la propriété générale qui, comme nous venons de l'expliquer, motive sa dénomination? Donc ces 4 vertus se distinguent les unes des autres par la diversité de leurs objets. 5. Les vertus cardinales se divisent-elles en vertus exemplaires, civiles, purifiantes et purifiées? Cette division, émise par Macrobe d'après Plotin, s'explique de la manière suivante. Nous devons imiter un modèle dans l'œuvre des vertus. Ce modèle, c'est Dieu. Les exemplaires des vertus humaines sont en lui, de même que les types de toutes choses. La prudence est son intelligence divine, la tempérance, sa raison se repliant sur elle-même, la force, son immutabilité, la justice, l'observation de la loi éternelle dans ses œuvres, Voilà les vertus exemplaires ou divines. Nous sommes nés pour la société. Les lois qui régissent notre être nous prescrivent des vertus sous la direction desquelles il nous faut vivre parmi nos semblables, de là les vertus civiles. Nous devons, d'après cette parole, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, nous élever à Dieu, et pour cela il nous faut d'abord des vertus qui nous servent d'intermédiaire entre les vertus exemplaires et les vertus civiles. Ce sont les vertus purifiantes. Ici se place la prudence, qui détourne nos regards des mondanités pour les porter vers le ciel, la tempérance, qui néglige, autant que la nature le permet, ce qu'exigent les usages du corps, la force, qui soutient notre âme contre les assauts des passions et contre les peines de la vie, la justice, qui attache notre volonté aux lois du devoir. Sommes-nous parvenus à la ressemblance divine, c'est alors que se présentent les vertus purifiées, qui sont celles des bienheureux et des âmes les plus parfaites de ce monde. Alors, la prudence ne voit plus que les choses célestes, la tempérance ignore les convoitises terrestres, la force ne connaît plus les passions, et la justice fait une alliance perpétuelle avec l'Esprit divin. Markandanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.